review. Wonderful. finalement, nous faisions le compte de toutes actions. Oui, seulement. Accepte, absorbe, épouse. Accepte, absorbe, épouse. Les conditions générales. Accepte, absorbe, épouse. Même rage, même peur, même désillusion. Partout, le brouillard. C'est le brouillard des apparences couvre toute la région. Frontières, dedans, dehors, on tient n'importe quoi. Seul d'avant. On t'évite. Seul d'avant, Blaze. Power. Force.